Nous nous sommes entretenus d'Aquilas et Priscille, ce couple modèle de l'Église du premier siècle. Vous vous souvenez peut-être, chers auditeurs, qu'à cette occasion, nous avons fait allusion à un certain Apollos, un prédicateur juif, qu'Aquilas et Priscille avaient reçu chez eux. Apollos était un homme cultivé, doué notamment d'une grande connaissance de l'Ancien Testament. Le livre des Actes des Apôtres dit qu'il était un homme éloquent et versé dans les Écritures. Actes 18, verset 24. Les événements messianiques qui s'étaient déroulés en Palestine ne l'avaient pas laissé indifférent, et c'est certainement en vertu de sa connaissance de l'Ancien Testament qu'il avait reconnu en Jésus de Nazareth le Messie promis par les prophètes. C'est pourquoi l'auteur du livre des Actes des Apôtres, en ce témoignage d'Apollos, « Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connaisse que le baptême de Jean. » Actes 18, verset 25. Les connaissances d'Apollos comportaient donc une lacune. Il était au courant du ministère de Jean-Baptiste, il avait appris que des multitudes d'hommes et de femmes avaient été baptisés par Jean en témoignage de leur repentir et de leur désir de changer de vie, mais personne ne lui avait parlé du sacrifice de Jésus-Christ à la croix du calvaire, de sa résurrection et de son ministère présent dans le ciel. Apollos ignorait aussi que Jésus-Christ avait proposé un autre baptême, celui du Saint-Esprit, destiné à tous ceux qui croiraient en lui. Arrivé à Éphèse, Apollos s'est mis à prêcher à ses compatriotes juifs. Nous lisons Actes 18, verset 26. Apollos se mit à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Apollos connaissait beaucoup de choses. Sa science était très étendue, mais cela ne l'a pas empêché de reconnaître son ignorance dans un domaine essentiel. Et cette ignorance l'a conduit à interroger Aquilas et Priscille, un homme et une femme, qui n'avaient probablement pas fait d'études supérieures, mais qui possédaient en Christ ce qui leur manquait. Apollos a donc fait preuve d'humilité en recevant d'eux l'instruction biblique qu'ils avaient reçue eux-mêmes de Paul. Par la suite, Apollos, instruit, revêtu de la puissance du Saint-Esprit, est devenu un puissant instrument dans la main de son Messie. Et lorsqu'il décide de se rendre en Grèce, Aquilas et Priscille le recommandent chaudement aux chrétiens de Corinthe. Comme il voulait passer en Achaïe, les frères l'encouragèrent et dirent aux disciples de bien le recevoir. Quand il fut arrivé, il se rendit par la grâce de Dieu très utile à ceux qui avaient cru, car il réfutait vivement les Juifs en public, démontrant par les Écritures que Jésus est le Christ. Actes 18, versets 27 et 28. Et Apollos a été si utile à l'œuvre du Seigneur qu'il est devenu pour les membres de l'Église de Corinthe un conducteur spirituel dont le ministère était comparable à celui de Paul. Aussi comprenons-nous mieux pourquoi l'apôtre Paul écrivait aux chrétiens de Corinthe « Qu'est-ce donc qu'Apollos et qu'est-ce que Paul, des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun ? J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. » 1 Épître aux Corinthiens, chapitre 3, versets 5 et 6. Apollos, un prédicateur fervent d'esprit, un orateur éloquent, un instrument utile, capable d'opposer aux adversaires de l'Évangile des arguments irréfutables et en même temps capable d'édifier les croyants en vue de leur croissance spirituelle. Apollos, un puits de science, un homme d'envergure, une autorité, on dirait aujourd'hui une sommité. Mais alors, faut-il être une personnalité hors du commun, un universitaire ou un docteur en sciences pour que Dieu nous emploie ? Heureusement que notre science n'est pas un critère pour Dieu, car ni vous ni moi ne pourrions, chers auditeurs, nous mesurer à Apollos. Et cependant, le Seigneur veut aussi nous employer. La Bible détient le secret d'un message toujours équilibré et montre que Dieu emploie autant celui qui est brillant que celui qui est dans l'ombre, que celui qui sait et celui qui ne sait pas, celui qui est grand aux yeux des hommes et celui qui ne l'est pas. La liste des compagnons d'œuvre de l'apôtre Paul ne nous présente pas seulement un Apollos plein de dons, mais aussi un Apelles, modeste membre de l'Église de Rome. Apollos et Apelles, deux noms presque semblables, mais sans doute deux hommes profondément différents. Si Apollos tenait des discours, Apelles ne parlait guère. Apollos avait l'habitude d'être sur l'estrade, mais Apelles était toujours dans l'auditoire. Apollos prêchait la parole de Dieu avec fidélité, mais Apollos la mettait en pratique avec une fidélité tout aussi méritoire. Apollos était surtout versé dans la connaissance du texte sacré, alors qu'Apollos était surtout versé dans la connaissance de Christ et la communion de ses souffrances. Apollos apparaissait devant le public avec un certain éclat, Apollos demeurait caché aux yeux des hommes. Cependant, L'un et l'autre ont servi la cause de l'Évangile. L'un et l'autre ont été utiles à leur Seigneur. L'un et l'autre ont glorifié Christ. Le Nouveau Testament ne mentionne Apelles qu'une seule fois, et encore, dans un demi-verset seulement. Quelques mots ont été écrits à son sujet par l'apôtre Paul. Saluez Apelles qui est éprouvé en Christ. Romains 16, verset 10. Éprouvé en Christ ou, en d'autres termes, exposé à diverses épreuves à cause de Christ. Nous savons bien qu'au jour héroïque de l'Église primitive, tous les disciples du Seigneur étaient éprouvés. Et n'oublions pas qu'Apelles vivait à Rome, sous le règne de Néron, où les chrétiens servaient parfois de pâture aux lions qui les déchiraient dans les arènes du Colisée, sous les vivats d'une foule amatrice de spectacles sanglants. Mais il n'est pas besoin d'être exposé au courroux de Néron pour être éprouvé. Apelles a peut-être affronté d'autres épreuves que la persécution. Du reste, tout chrétien a ses épreuves, et aujourd'hui, plus que jamais. Mais si Jésus-Christ permet que ses enfants passent par des coups durs, c'est pour qu'ils fassent une expérience avec leur Seigneur, découvrent une nouvelle intimité avec lui et deviennent ensuite plus efficaces à son service. Chers amis à l'écoute, vous préféreriez peut-être vivre en Apollos éloquent plutôt qu'en Apelles éprouvé. Pourtant, il est exceptionnel que le Seigneur ait besoin d'un savant discoureur. En revanche, il a toujours besoin de gens comme vous et moi, qui devons être formés au travers des épreuves. Ne soyons donc pas étonnés de devoir passer par le chemin de l'épreuve. C'est ainsi que nous deviendrons forts en Christ et que nous le glorifierons. Paul, le grand apôtre, pouvait écrire « Je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 12, verset 10. Apelles était éprouvé, mais il était éprouvé en Christ, précise le texte. Éprouvé de diverses manières peut-être, mais toujours demeurant en Christ, c'est-à-dire en trouvant la réponse à ses problèmes dans la communion avec son Seigneur. Chers amis à l'écoute, ne soyez pas surpris des épreuves qui vous assaillent soudainement, mais restez fermement attachés à Christ au sein de votre épreuve et vous découvrirez ensuite cette approbation du Seigneur qui vous encouragera et vous réconfortera. Vous ferez l'expérience bénie de vivre au centre de ses plans d'amour pour vous. C'est pourquoi ne vous découragez pas. L'épreuve nous est nécessaire à tous, mais elle ne durera pas toujours. Il y a aussi une issue positive à notre épreuve. L'apôtre Pierre l'a bien dit. Maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Premier épître de Pierre, chapitre 1er, versets 6 et 7. Votre épreuve vous conduira à la louange si, au cœur de cette expérience, vous découvrez tout à nouveau l'approbation du Seigneur. Apollos ou Apelles. Le sort du premier paraît plus enviable que celui du second. Mais l'éloquence et la connaissance d'Apollos ont suscité avant tout l'approbation des hommes, tandis que la consécration et l'abnégation d'Apelles ont suscité avant tout l'approbation de Dieu. N'est-ce pas là le plus important? Que le Seigneur vous bénisse, chers auditeurs, dans l'acceptation des plans du Seigneur pour devenir des compagnons d'œuvre dans son glorieux service.